I say, whoever threw that paper, your mom's a hoe. Mais je suis pas dans le trafic, te pélé, je me fais sucer comme un moustique. Dans la cuisine, y'a plus assez de coca. Donc Captain commence une fournée de que crap. T'as vu que j'amasse et maintenant tu veux que croc. Y'a Heja, on rentre dedans comme le métro. Je flappe fin, tu l'as goûté égaré. Puis l'on te fait mal à la tête comme Dora. Organisé comme le nord de la Corée. Devant le globe, tu pousses le son comme un choriste. Desserre les bolos sans gousse, Canada gousse. Elle me fait des avances alors que c'est ta cousse. 4-4-2, ça sent la bleue dans le 4-4 bleu. Cette pétasse sait pas faire son lit, mais dans son lit, elle sait tout faire. Demande à Breezer si c'est hard. Je me défonce, je suis sous Jaconet. Pour des mortiers, appelle Merci V, j'ai mes TN, ma sacoche élevée. Toi t'en as pas marre de jouer des gros cocktails. Pour toi y'a deux mois, c'est toi qu'on a viscère. Je les vois taper et consommer la poussière. Et moi j'ai le pilon caché dans la Moncler. Dans l'automobile avec Adeligno. Dans tes DM techniques comme Ronaldinho. Oh oh oh, putain la pétasse. Quand y'a pas d'oseille, elle veut pas sucer. Ramasse un famas, romain, ils vont se baisser. Parle pas ta vieille car mon sait qu'elle est basée. Le cœur est froid comme un gars qui vient de Moscou. Si y'a pépin, je sais qu'il y aura sec. J'suis posé et j'mange un saga saga. Pour la digestion, un bon verre de saké. Le goût du miel fait apparaître mes démons. Si tu payes pas, tu vas te faire démonter.